Fresh Air Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at KFAI.org, the community's true voice. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonjour, hello. Tonight it's going to be only music, and it's going to go from traditional French pop to electronic to reggae. So without further ado, on y va. The first artist we're going to listen to is Nicolas Jules, and he's really doing traditional French songs. So we're going to listen to him. The first one is Le Mouton de Panurge. And it's from Georges Brassens, originally, and it's a live version. Then Papier Bleu, blue paper. And then the Bétonneuse, cement truck. Elle n'a pas encore de plume. La flèche qui doit percer son flanc. Et dans son cœur, rien ne s'allume quand elle cède à ses galants. Elle se rit bien des gondoles, des fleurs bleues, des galants discours, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Croyez pas qu'elle soit à vendre quand on l'a mise sur le dos. On n'est pas tenu de se fendre d'un somptueux petit cadeau. Avant d'aller en bas, canal. Elle présente pas un devis. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Je roule à billes sans aucun poème de secours. Embrasse-moi, embrasse-moi, avant que je dise n'importe quoi. Je t'écris sur papier bleu par peur de la page blanche. J'essaie de clouer les astres, mais je tape avec le manche. Par la cervelle, rien ne passe, alors j'essaie ailleurs pour éviter le désastre. Je t'écris avec le cœur. Embrasse-moi, embrasse-moi, avant que je dise n'importe quoi. La, la, la, la, la, la, la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Avec le cœur, ni avec la tête, tout ça c'est des trucs à la mort moelleux de poète. En vrai, je t'écris avec la main qui caresse et si j'étais manchot, je t'écrirais avec la bouche qui embrasse moi. Embrasse-moi avant que je dise n'importe quoi. Embrasse-moi. Embrasse-moi avant que je dise n'importe quoi. Guirlande du ciel marche une fois sur deux. Le plâtre de la lune tombe sur mes cheveux. C'est pas moi qui suis vieux, c'est la nuit. C'est pas moi qui suis vieux, c'est la nuit. Et dans le grand ravalement des nébuleuses, mon cœur tourne, tourne dans la bétonneuse. Au plafond de ta chambre, l'ampoule est bien vissée, mais j'ai tout quitté pour les plafonds fissurés. C'est pas moi le vertige, c'est la nuit. C'est pas moi le vertige, c'est la nuit. Et dans le grand ravalement des nébuleuses, mon cœur tourne, tourne dans la bétonneuse. Je n'en peux plus. Le lever du soleil par un crochet de grue. C'est pas moi la fatigue, c'est la nuit. C'est pas moi la fatigue, c'est la nuit. Dans le grand ravalement des nébuleuses, mon cœur tourne, tourne dans la bétonneuse. Et dans le grand ravalement des nébuleuses, mon cœur tourne, tourne dans la bétonneuse. It was Nicolas Jules with Le Mouton de Panurge, then Papier Bleu, then Bétonneuse. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org. or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to Nicolas Moreau with Du mal à se taire, having a hard time shutting up, featuring San Severino. Then we're going to listen to two songs from Bernard Lavilliers, who was really famous in the 80s and 90s. The first one is Voyage, and the second one is Je tiens d'elle. It's coming from her. And it's from his newest album from 2021, Sous un soleil énorme, under enormous sun. Eh ben, tu vois, moi, la dernière fois que je me suis vu, quand même, accosté par un mec qui est très bien. Je sais pas très bien ce qu'il veut. Quand on n'a rien à dire et du mal à se taire, on peut toujours aller gueuler dans un bistrot, parler de son voisin qui n'a pas fait la guerre, ouais. Parler de Boumédienne et de Fidel Castro, parler pour que l'air se déplace, pour montrer qu'on sait vivre et qu'on a des façons, parler de son ulcère ou bien des seins de glace, pour faire croire aux copains qu'on n'est pas le plus con. Quand on n'a rien à dire, on parle de sa femme qui ne vaut pas tripette et qui n'a plus 20 ans, qui sait pas cuisiner, qui n'aime que le drame, qui décroche à tout va, qui a sûrement des amants. On parle du bon Dieu, on parle de la France, ou du Vitel Crassis, qui vaut pas celui d'avant. On pense rien du tout, on dit pas tout ce qu'on pense. Non. Quand on a rien à dire, on peut parler longtemps. On n'a rien à dire. On parle du Mexique, de l'Amérique du Nord, où tous les gens sont fous, du pape et du tiercé, des anciens alcooliques, du cancer des fumeurs et des machines à sous, des soldats, des curés, de la musique militaire, de la soupe à l'oignon, de l'île de la cité. Rien à dire et du mal à se taire, on arrive au sommet de l'imbécilité, on arrive au sommet de l'imbécilité, on arrive au sommet de l'imbécilité. Voyage, il y a ce que l'on fait et ce qu'on imagine. Voyage, raté ou merveilleux et toujours anonyme. Toujours, toujours plus loin on va vers l'origine. Toujours, vers le danger d'ailleurs. Enfin on l'imagine. Partir, partir quand le soleil se lève. Courir aussi vite qu'on rêve. Sentir que la vie se retire encore. Savoir que leur vie se ressemble comme des banlieues rouillées. Voyage, le cœur abandonné sous cette pluie d'exil. Voyage, ces visages inconnus sur l'asphalte des villes.

Éclat toi tu en crèves, la douleur t'achève, t'as ses genoux, un numéro dans les journaux, ce sera tout. It was Lara Fabian with Le Passage, then Phénoménologie, then Féminicide. Now we're going to listen to Sylvain Chaumet, and it's called Chanson Illusionniste, or Illusionniste, and it's from the soundtrack of the movie with the same name, Illusionniste. Then we're going to listen to two songs from The Triplets of Belleville, which is an animated movie, and that's the soundtrack. So we're going to listen to Belleville Rendez-vous, and then Tour de France, which is the famous bicycle race going around France. Les heures passent mon cœur à Paris comme ailleurs. Passent les jours, passe l'amour. Le temps nous joue des tours. Passe un pilule, à l'autre pilule. Magicien manipule. Rien dans les mains, rien dans les poches. Il nous prend pour des cloches. Passe, passe, vieux Grigou, la camarde à ton cou, tu n'es plus de la fête. Passe, passe les dimanches, des lapins dans tes manches, tu ne fais plus recette. Passe, passe mon vieux mec, et sois pas incorrect si elle te refuse un bec. Passe l'enfance, l'innocence, la douce indifférence, le joli temps de vivre. Passe les jeux des jours heureux, les petits amoureux, car il est temps de vivre. Il va falloir, ma belle, apprendre à être cruelle. Passe dans les coulisses de l'extraordinaire. Passe mon enfant, ton lapin blanc et ta reine. Cela ratisse, allez, ne sois pas triste, la vie est un manège. Un tour de piste, adieu l'illusionniste, et roulez jeunesse. Passe, passe, le corps s'efface, mais le cœur est menace. Quand vient la dernière valse, on se veut roi et lance. On triche et de guerre lasse, un jour on laisse sa place. Passe-t-on à quel soldat? Que c'est-on qui fout quand? Tant pis pour toi, tu as fait ton temps, tant pis faut que tu passes. Rien n'y fera, ni l'or, ni l'âge, ni tes tours de passe-passe. Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. chanter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin. Alors que le peloton n'est plus qu'un souvenir, le glas des premiers abandons résonne dans la montagne. Face à l'effort, ceux qui ont le coup de pédale moins rageur donnent l'impression de reculer, de s'effacer, de disparaître. It was Sylvain Chaumet with Chanson Illusionniste, then the Triplets of Belleville with Belleville Rendez-vous and Tour de France. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. KFAI is proud to present the House Party Harmonica Bash at the Blues Saloon on Friday, March 29th. This event features local harmonica players Eric Oden Anderson, Jeff Sterren, Paul Berry, Hurricane Harold Tremblay, with the addition of one of Chicago's most respected harmonica players and blues band leaders, Matthew Scholar. It's all happening at 5 p.m. on Friday, March 29th at the Blues Saloon, 1638 Rice Street in St. Paul. For more information about the House Party Harmonica Bash, you can visit the Blues Saloon website at bluessaloon.org. Now we're going to listen to a band I went to see live at First Avenue, Polo and Pan, with their latest album called Cyclorama from 2021. And the first song is Oasis, or Oasis, same word, mean the same thing. The second one is Artemis, like the Greek gods. And the third one is Les Jolies Choses, the pretty things. Thank you. Sur le lac, d'une profondeur opaque. Oh, Artemis, It was Polo and Pan with Oasis, then Artemis, then Les Jolies Choses. Now we're going to listen to Mellow Man. The first song is going to be Gardez l'écoute, Keep on Listening, Swing Beats Mix. Then the second one is Respire, a Breathe. And it's a way to calm down too. Take it easy, you know, calm down. And then Weekend. Mix. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Comme un orateur, je m'expose en public. Et à l'écoute, l'auditeur apprécie la musique, mon discours, lui. N'a rien de politique, au contraire, je suis là pour vous distraire. Reposez-vous les méninges et laissez-vous faire. Laissez-vous aller, décompressez, prenez l'air. Une bouffée d'oxygène pour un moment de plaisir. Lyrics sera vous détendre sans vous faire souffrir. La mélodie se mêle à mes mots et ceci sans mélocard. Le mélomane que les humanis, les mots sans mélodrame. La thérapie reste musicale, mettant ainsi de côté le côté médical. En bémol ou en dièse, souvent d'accord et toujours à l'aise. Je m'explique pendant que d'autres se compliquent l'existence. Alors en toute confiance, gardez l'écoute. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en compte. Suivez la cadence, mais suivez-la sans manigance. Le mal pour le bien n'est pas l'objet de récompense. Bien que les erreurs soient permises aux gens humains, le tout est de pouvoir se remettre dans le droit chemin. J'évite les conflits contre l'attaque que je replie. Agir sur un coup de tête est un coup de folie. Réfléchir à l'avenir, peser le pour et le contre. Préparer le futur est une course contre la montre. Fanatique de la musique, je serai toujours fidèle et méthodique. Jour après jour, certains disent que le rap est un art et d'autres jouent la méfiance. Moi je dis gardez l'écoute et suivez la cadence. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en coûte, j'ai choisi ma route. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en coûte, j'ai choisi ma route. Gardez l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en coûte, j'ai gardé l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en coûte, j'ai gardé l'écoute, coûte que pour une fois qu'il en coûte. Le méloman est sur la gamme et ne joue pas à l'âme, stram, gramme. Si tu te bourres, tu te rétames. Et si tu fais, on t'acclame et te réclame. La vie est ainsi faite, match nul, victoire et défaite. Ne pas rester sur la touche, éviter les business louches. Car comme on fait son lit, on se couche. Fini la partie au vestiaire, et va prendre ta douche. Métaphore sur le sport, les mots ne sont pas trop forts. Choisissons le meilleur moment pour nous mettre d'accord. Un mot, un geste, un signe de reconnaissance. Pour garder les coups. Voilà qu'à garder les coups, coups, coups, coups, pas qu'il en coûte, j'ai choisi ma route. Garde les coups, garde les coups, coups, coups, coups, pas qu'il en coûte, j'ai choisi ma route. J'ai choisi ma route. Yeah, yeah, garde l'écoute. Garde l'écoute, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. J'ai choisi ma route. J'ai choisi ma route. Rien de plus naturel que le sera pire les poumons, l'oxygène pour se remettre en selle. Et commencer la journée par quelques rimes bien placées, le tout sur une feuille de papier quadrillé. Un peu de sport pour donner du réconfort à mon cœur et du confort à mon corps pour améliorer mon score. S'éclaircir les idées, éviter les prises de tête, ne pas sombrer dans le piège de sombres sœurs nettes. Le cœur léger, le sourire aux lèvres, je fais une trêve, admire la beauté du soleil qui se lève. Amoureux de la nature, telle est ma nature. J'aime les neiges éternelles, le bleu de la mer et l'air pur. Trop souvent enfermé dans une agressivité symbolisée par le béton, le bitume et l'acier. Pour te libérer, tu cries, pour me libérer, j'écris. Cool, compose et j'assume ce que je dis donc. Je parle du meilleur pour éviter le pire. Je constate pendant que d'autres conspirent que le manque de respect est ce qui les inspire. En attendant, je respire. Enveloppe mon esprit et tous les jours me fait vivre. Pas de compétition, je ne pars pas en mission. Je sais faire attention, donc pas de problème d'élocution. La terre est à tous et chacun y a sa place. Même si les gens sont différents, pourquoi un problème de race? Tout le monde dans le même bateau, dans la même galère. Faut-il se laisser faire? Ou comme le rat, faut-il que l'on se taire? J'ai décidé de réagir, d'écrire à l'en plus finir. Je trace mon chemin pour l'avenir. Et si ta tête est traquée par les tracas, si vraiment ça ne va pas, fais comme moi, écoute-moi et doucement respire. Certains à côté ont de quoi nous faire douter et nous dégoûter. Il faut faire avec. Moi je prends le mic, check 1, 2, 1, 2. 1, 2. Et tout à coup tout va mieux. Vie à compter passion, mes idoles et mon partage. Car il y en a pour tous à tous les étages. Je sage, médite et pense. Écoute la parole de celui qui avance. Man, tente ta chance, saisis la balle au bon. La vie n'est pas facile, mais il y a quand même du bon. Le choix t'appartient, le mal ou le bien. Tu es seul juge sur la voie que prendra ton destin. La mienne est celle du mellow. À toi de faire ce qu'il faut pour aboutir à tes désirs. Ouais. En un mot, respire. sur la plage, barbecue, bain de minuit. Fini les soucis, ici c'est un vrai paradis. Quand il n'y a pas de plaisir, c'est qu'il y a de la gêne. It was Meloman with Gardez l'écoute, Swing Beats Remix, Respire, and Weekend. Now we're going to listen to two songs from Sébastien Tellier. The first one is La Fille de l'Eau, from a soundtrack of a movie called Marie et les Naufragés. La Fille de l'Eau means The Woman from the Water. Then La Ritournelle, and it's one of his most famous songs. Then we're going to listen to Eric Serra, who did a soundtrack of Le Grand Bleu, which is one of the very big movie of Luc Besson. That's really the one that put him on the map. Before that, he had one movie that was famous called Subway, but not as much. This one was a huge success. And after that, he came up with more, like, you know, La Femme Nikita and Léon. So this song is called Ouverture. Les rêveurs Thank you.

je m'abîme, bîme, et je m'abîme, bîme. Yeah. It was Indila with Boîte en Argent and Shaim with Il faut vivre, then Rachid Taha with Je t'aime mon amour. KFAI is proud to present Minneapolis Afrobeats Dance Party at the Cedar Cultural Center on Saturday, April 6th. Celebrating the Cedar's 35th anniversary in full shake body festive form, charismatic host and culture rapper Fanaka Nation brings his fusion of hip-hop, African, and otherworldly sonic delights together with his band and DJ King Swank. This version of the dance party features the very special performance of Dynamic, also known as the Nile Crocodile, the Sudanese Sun, and DJ Dynamic. Tickets for Minneapolis Afrobeats Dance Party can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Now we're going to listen to Massila Sound System, more on the reggae side, with Toute Petite Danse. It was at La Fête de l'Humanité, 2003. Then I Walk Sound with Toi qui me juge, You who judges me. And then Princesse Erika, that was a big success, with Trop de Blabla, Too Much Blah Blah Blah. Ayoni la Courneuve! C'est chaud, la demande, non? Si vous êtes venus pour écouter le reggae marseillais, eh bien, vous avez raison, c'est ça qu'on va faire. Allez, vas-y. De toute façon, le reste, on ne sait pas faire. Pas vraiment. Allons, on est sur le stand des BDR. C'est une spéciale invitation à en profiter, à faire la fête. Il n'y a que des collègues ce soir. On y va. C'est une toute petite danse, toute petite danse. Nous rappelons les sujets de la cadence. Toute petite danse, c'est une toute petite danse. Le papier de notre côté, mon sud est de micro-poulet guidé. Le pour un reggae. Deux micros pour les câlins. Deux micros pour raconter. Deux micros pour les télés. Et deux micros pour emballer. Deux micros, une platine ou un vieux poste déglingué. Dès qu'on va poser nos mines, tout sera ionisé. Je t'invite vite, vite à rejoindre ta position. Nous ne serons quitte, quitte qu'en te voyant en action. C'est bon pour ta mécanique, ça c'est bon pour ta réflexion. Et si t'es contre panique, on a atteint notre ambition. J'envoie les bons styles. Je fais galoper la version. J'envoie les mots du quartier. J'envoie les bonnes expressions. On s'adresse à tous et toutes. Pas de discrimination. Tous les sujets nous intéressent, nous aimons la discussion. Même sur les choses qui blessent, on estime notre opinion. Allez, allez Paris! C'est une toute petite danse, toute petite danse. Nous partons aux monsieur qui tiennent la cadence. Toute petite danse, c'est une toute petite danse. Ma signale, on nous appelle les possibles en France. Dans sa cavale. Pas de problème au sans système. Les matamores, on les ignore. Les pistolets, bon, nous ont gonflé. Laisse-la les coincés, laisse-la les secteurs. Laisse-la les papiers, laisse-la les frontières. C'est une invitation à sauter toutes les barrières. Attrape l'aviron et fait avancer la galère. C'est une toute petite danse, toute petite danse. Le papel, le mousse qui tiennent la cadence. Toute petite danse. Je suis sur ma lancée. Rien ne peut m'arrêter. Et toujours à fond de fond. Oh, toujours à fond de ballon. Ah ouais, à fond de ballon. J'allais le dire, dis, tu me l'as piqué. Tu en veux? Les pensées déchaînées. Pour nous accompagner. Les idées bouléguées. Des idées partagées. Les maillots sont trempés. Et c'est ça qui nous plaît. Ouais, c'est du bon robot de la haute technologie. C'est du bon robot de la ligne à haute. Baby! C'est du bon robot pour les grands. Tu peux ramener tes amis, c'est une toute petite danse, toute petite danse. Pour papé le monsieur qui tienne la cadence. Toute petite danse, c'est une toute petite danse. Facile à revenir, ça va être aussi en danse. C'est une ritournelle qui n'a pas l'air bien compliquée. Mais elle donne des ailes, même au plus désespéré. Selon l'âge et l'ancienneté, selon les classes sociales auxquelles nous sommes apparentés, selon les cases dans lesquelles ils nous mettent pour mieux nous contrôler. Chacun son style, chacun s'habille, comme le veut notre société, faite de dress code et de conduite qu'il nous faut sagement respecter. Chacun son style, chacun s'habille, en perdant sa liberté, correspondent à des critères qu'il voudrait nous imposer. Faut segmenter, les gens sont classés dans des cases où l'opinion publique ne cesse de les catégoriser. Un objectif, garder tes différences, c'est ta marque de fabrique pour être à l'aise dans tes pompes comme expression que tu connais. Toi qui me juges, tu croises mon intégrité. Si les apparences sont trompes, je peux sûrement vous l'expliquer. Tu me vois tel que je suis, c'est toute la complexité du personnage que j'incarne dans toute sa diversité. Toi qui me juges, es-tu capable de te regarder? Es-tu prêt à franchir ce cap avant de me critiquer? Si trop de différences nous séparent, c'est ça la mixité. Alors essaye de comprendre ça avant de fabuler. Toi qui me juges, me connais-tu vraiment? Sais-tu ce qui compte peu pour moi de ce qu'il y a d'important? Connais-tu mon vécu, mais le connais-tu vraiment? Peut-on connaître une personne, savoir ce qu'elle pense intérieurement? Toi qui me juges de manière précipitée, crois-tu que des fringues portées déterminent ta mentalité? Qu'une tignasse visuellement nuisible puisse te discréditer? Pourquoi le moindre détail sert à nous cataloguer? Te voir me juger comme cela, c'est clair, je ne l'admets pas. Un peu de barbe et une casquette,

Massilia Sound System with Toute Petite Danse, Very Little Dance, then I Walk Sound with Toi Qui Me Juge, and Princess Erika with Trop de Blabla. Spring is here, so get ready for the KFAI Springtone of 5000. KFAI.org is the only key you need to get in gear. Feel the acceleration as you veer from program to program. Peel out with podcasts. Burn rubber with news. Dial in with fresh air too. And hit the straightaway with music from around the world. What's our Formula One? The KFAI Pit Crew making great radio for you. So go to KFAI.org, click donate during the spring member drive, and take a victory lap. Because members are where the rubber meets the road. Now we're going to listen to a band called Negmaron. The first one is going to be Lève-toi, bat-toi, Stand Up and Fight. And it's from their album Rue Casse-Nègre. Then Jackie and Benji, Fier d'être Negmaron. And then Nistro with Loin des yeux, Far from the eyes. And it's featuring Balt. Hey, du haut de la capitale de l'Alaska, Negmaron délicat sexy à tous les jeunes débrouillards. Car j'en vois et j'en entends trop qui pleurent sur leur sort. Lève-toi, bats-toi et n'attends les personne. Mon métal sonne, gali arrête comme à la reine. Mais froid ou pas qu'à peine. Ça n'est pas mon sang, là on met sans dégenouiller. Et ça fait toute action, nous est-ce que l'action guerrier. Débrouillard, pas péché. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, puis tu dors sur toi-même. Et plus il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. Celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même. Et plus il est difficile de se relever. Je ne comprends pas certains jeunes qui ne font que pleurnicher. Ils ont à peine 20 ans et de la vie sont déjà dégoûtés. Disant que quand tu vis dans le ghetto, tu vis dans le désespoir. Disant que quand tu vis dans le ghetto, il n'y a aucun espoir. Mais stop tes histoires de cauchemars. J'ai grandi comme toi dans les cités dortoirs. Là où beaucoup de jeunes sont arabes ou noirs. Jeunes sont de leur papa travaille dur pour une paye de smicard. Leur maman travaille dur et rentre tard le soir. Mais pour survivre dans le ghetto, il faut être débrouillard. Ne pas s'apitoyer sur son sort, ne pas être un pleurnichard. Oh non, jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même. Et plus il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bats-toi. L'avenir appartient celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même. Mais plus il est difficile de se relever. J'aime beaucoup de monde, savent que le système l'en mauvais. Tout le monde ça va dans la vie, y'a rien pas aisé. C'est pas en raison pour quitter quand on aller. Hérité, y'a six capérés. En morceau ou en gâteau, à chaîne pour faut qu'on trappe. Vite pour sa guitare, chaîne pour pas arrêter si c'est. Y'a toujours dit moi les y'en nomme les IP. Pour lui, il faut qu'on y tienne. Good boy, y'a dans la vie, y'a mes decks en soldat. Qu'on gagne pour agir, on courage ou pas faire ça. Fois fort, pas faire, mettez au combat. Pas baisser vos genoux, pas faire au plaisir d'un là. Cherchez la baguette, vous faites, on les corps, pas arrêter. On les personnes, pas même l'état, on les pas bon, faut qu'on compte. On n'est pas là pour régresser, pas là pour avancer. Et des bons faillants, pas gagner, puis courage ou guérir. Je n'aime pas. Celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez. tu dors sur toi-même, mais plus il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bats-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même, mais plus il est difficile de se relever. Il est vrai que dans le béton, non, la vie n'est pas toujours facile. Certains font des business, d'autres sont dehors et deals. Mais il y a des jeunes qui se rendent la vie difficile. Ça fait grand dans tous les mouvements, ils ne sont jamais tranquilles. Trop de faux business, trop de magouilles, trop de stress. La banlieue est en détresse. Malaise, tout le monde sait qu'il y a un malaise. Toujours les mêmes qui mènent la vie dure, toujours les mêmes qui sont à l'aise. Jeune homme, lève-toi et bats-toi, à moins que ce système te plaise. Lève-toi et bats-toi, si tu ne veux pas que l'on te bâche. Vivre dans le ghetto ne signifie pas vivre comme des rats. Vivre dans le ghetto ne signifie pas vivre dans l'alerte. C'est non, dis-toi que ce n'est pas mon cas. Dis-toi que je ne m'abaisse pas. Pourtant, je roule pas sur l'or, je suis bien loin d'être un bourgeois. La situation est la même, oui, bien la même pour toi et moi. On ne vit pas pour survivre, mais c'est la vie qui veut ça. Jeune homme, lève-toi, bats-toi, l'avenir appartient à celui qui s'impose et qui ne baisse pas les bras. Même si t'en as assez, plus tu dors sur toi-même, mais plus il est difficile de se relever. Jeune homme, lève-toi, bats-toi, l'avenir appartient. Une fois de plus, Nek Marron vient chanter. On dédicace ce morceau à toutes les communautés. C'est trop facile de vouloir effacer le passé. Ne pas oublier nous donne la force d'avancer. On fait de moi un homme fier d'être un nec marron. Le passé laisse des traces, n'efface pas les cicatrices. Le sourire sur ma face à leur égard est factice. Je boite à cause du jarret qu'ils m'ont coupé jadis. Un jour viendra où pour les miens il y aura justice. Le soleil m'a donné la plus belle couleur de peau. Nègre et fier de l'être, regarde-moi comment je suis beau. Mulâtre ou noir et ben, on vient tous du même bateau. Puis soudain séparé tel un envol d'oiseau. Explique mon arrivée, ce qui s'est passé au départ en vain. J'ai plutôt cherché à réduire la distance qui me sépare de mes terres, de mes racines, de mes frères, de mon pays. Héritier d'une culture où le respect prime, où le partage, l'hospitalité et la joie s'expriment. Afrikant, y a pas de différence, même négro, même attitude. Même éducation, on y retrouve ses habitudes. Tout ça me rend deux fois plus fier d'avoir la couleur ébène. On est encore là pour le dire après tant de douleurs et peines. L'amour de notre peuple se traduit par une force qui se transmet de génération en génération en génération. Un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Yeah, yeah, yeah. Soyons des hommes fiers et dignes. Ne jamais renier son passé ni ses origines. Yeah, yeah, yeah. Le vécu de nos aïeux nous donne aujourd'hui la force d'avancer. Poursuivre la lutte et être encore plus déterminé. Aujourd'hui, mener cette tâche est l'aboutissement de toutes ces années de rébellion au prix de la liberté. Nous avons trop de fierté en nous pour nous voir à genoux. Malgré tout, beaucoup, nous restons debout. Hey. Nous sommes fiers, fiers d'être enfants de la terre mère. Fier d'être nègre, oui fier d'être nègre marron. Fier, On se battait pour un jouet. Quand on marchait, je suivais tes pas. On s'en allait toute la journée. Rappelle-toi ces moments de joie. Matin sa chouk, au mokobouk. Matin sa minjitou, mat batel chil gusera. Matin sa touk, ou li karhouk. Wanselin soukou li machafou belajara. J'ai dû aller pour un meilleur avenir. Mais j'ai laissé en mer mon navire. Il me manquait un pilier à ma vie. La vérité, je pense à vous jour et nuit. عامل عين العورة نحبك تعبي الفاكو تكبس السندورة جيبنا شخطورة تشيكا وتشيكو ما تنسى لميمة وعبي للفريقو. Ce jour où tu m'as pris dans tes bras, tu disais que je serais loin de toi. Tu voulais que je rende fier Yama, vous oubliez la la la la. Une mer nous sépare, l'autre mer nous rapproche. Loin des yeux ما تجيب العار جيبنا الكافيار وذهب الماما فرح الدار وزرع نوار ما تلعب بالنار وما ترجع بدراما. J'y pensais, un avenir construit sur le passé. Plus de sable dans mon sablier. Tu sais j'aimerais tellement voir la mama. Pas facile de vous savoir loin de moi. J'pedri ou l'mogala, j'y vda bouge à putkal. Wada ou nisbala, ou jibna l'loro. J'espoi ou nidoro, ou vaye se prouya. Kifta na omoro. Non je n'oublie pas d'où je viens loin de là. Les gens me demandent si je me sens chez moi. Non je n'oublie pas tout ce que j'ai bâti. Un garçon et une fille, j'ai ma petite famille. ومن قلبي نتمنى لك الخير يا ما حلمنا انا وانت صغار ومن السوق جبنا لحرير رجلا وحرار يا يا يا يا. Une mer nous sépare, l'autre mer nous rapproche. Loin des yeux. Balci maestro. It was Negmaron with Left to a Batois, then Jackie and Benji,